Tu me rends dingue et crois-moi, je vais pas te lâcher ici. Tu es la reine et moi la bite, on est tous les deux des amis. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Tu me rends ouf et crois-moi, je vais pas te lâcher ainsi. Tu es la chienne et moi la bite, on est tous les deux des amis. Je veux t'offrir un voyage au bord du monde. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Tu me rends fou et crois-moi, je vais pas te lâcher ici. Tu es la belle et moi la vie, on est les plus beaux du jardin. Je veux t'offrir un voyage au bord du monde. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Tu me rends dingue et crois-moi, je vais pas te lâcher ici. Tu es la reine et moi la vie, on est tous les deux des amis. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Je veux t'offrir mon amour et mon monde. Tu me rends ouf et crois-moi. Thank you.